Bonjour, vous êtes à l'écoute de Sous Pression aux ondes CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Et comme toutes les semaines, je vais vous faire jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français. On a commencé l'émission avec Les Ordures Ioniques de leur album Se Soulage. C'était le morceau La Pénitence. Je vais continuer avec du Brigitte Bop de leur album C'est pas gagné, la chanson Qu'est-ce que je fous là? Un album qui est sorti déjà quelques années. J'ai une bonne émission après ça de préparer pour vous des bons groupes des deux côtés de l'océan, de tous les coins de la francophonie internationale et même un groupe de la Pologne, mais ça, je vais vous en parler un peu plus tard dans l'émission. Alors, sans trop tarder, je continue avec du Brigitte Bop ici à Sous Pression. Je vais Rebonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter dans le dernier bloc du Brigitte Bop, on a commencé avec ça, de leur album C'est pas gagné, la chanson Qu'est-ce que je fous là. Du Zapriski Point après ça, de leur album Des hommes nouveaux, c'était le morceau Sous mon arbre. Du Bonne journée après ça, de leur single Le secondaire 4, c'était le morceau Le secondaire 4. Et on vient d'écouter du scrap de leur EP récemment sorti ou ressorti, Grand talent pas d'adon pantoute, la chanson Nana Nana. Alors, c'est toujours le fun de dire le titre de cette chanson-là, Nana Nana. En tout cas, alors c'est ça, je continue la musique maintenant avec du Chicken's Call de leur album Maintenant ou Jamais, la chanson Génération désabusée, ici à Sous Pression. si trop peu l'ennui. Ils traînent ensemble tous les bandits. L'école ne leur a rien appris. Elles ont l'urbaine et leur maquis. Oh, c'est du sang et de la souris. Tout petit, ça fait déjà tout compris. Sophie, sa gueule avant les prix. D'être attrapé par les kippies. Alors, nous voici rendus mi-chemin de cette émission de Sous-pression. On a écouté dans les derniers blocs du Chicken Skull, la chanson Génération des Abusés, de leur album Maintenant ou Jamais. La fraction après ça, avec la chanson Le Temps qui passe, du Nick à feu avec Vaurien. Et on vient d'entendre la chanson Forest de la des Brixton Cats, de leur album Quartier Maudit. Alors, comme j'ai dit, mi-chemin de l'émission, je vous rappelle que l'émission Sous Pression a un site web, c'est le souspression.wordpress.com, souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web, voir la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine, etc., etc. On a aussi une présence sur Facebook, c'est facebook.com/sous-pression, où vous pouvez faire une recherche pour Sous Pression, CHRY 105.5. Et si vous êtes sur Facebook, allez nous aimer. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde qui aime l'émission sur Facebook. Et si vous voulez nous envoyer un message par courriel, faites ça sous-pression@commercial.chry.fm. Ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires, des demandes spéciales, des plaintes. Si vous voulez m'abuser à travers vos mots, vous pouvez faire ça à partir de l'adresse courriel. Alors, je continue la musique avec mon petit bloc international. J'ai commencé à appeler ça mon bloc sono mondial. J'ai volé une chanson des Partisans pour l'intro de l'émission. Pourquoi pas voler un nom de l'album et de chanson pour le bloc. C'est le moment où je fais jouer un groupe qui chante ni en anglais ni en français d'un peu partout du monde. Cette semaine, je vais jouer un groupe polonais. Le groupe s'appelle El Banda, de leur album que je vais absolument massacrer le nom, Skutki Obojny, quelque chose de même. Parce que je vais faire jouer deux de leurs chansons, La Leshka et la chanson Anuluj, les deux tirées de cet album-là. C'est un de mes bons amis, un camarade Hubert qui me fait connaître ce groupe-là. Je les aime beaucoup, alors merci Hubert de me les avoir fait découvrir. J'espère que vous allez aimer ça. On continue avec du El Banda ici à Sous Pression. Coś przeciwbólowego, a w tobołek szczęścia weź. To mi trochę odsypiesz i odwagi na życie, i chęci do wynurzenia się z tej bezlitosnej krainy ucieczki. Weź jeszcze garść piachu, to pogrzebiemy pewne wspomnienie, co mnie codziennie straszy i zatraca w otchłani lęku. Proszę cię, w kieszeń coś przeciwbólowego, a w tobołek szczęścia weź, to mi trochę odsypiesz. Dziewczynki, takie ciągle niewinne, serdeczne i pogodne, jedne śpią jeszcze ze snem na powiekach nasienia, zlizującym, inne już w pogałkach kilku pysznych lodów. Na śniadanie, po smak duszkowy, na podniebieniu duszy ją smakiem świnki, z torebki srebrnej kopertówki, na obcasach po epilacji, nie sikają i nie srają, zawsze z pachnącą białkiem. A spod pachy ani włosek. Cicho już wiedźmą, laleczko, cicho już wiedźmą, laleczko, cicho już wiedźmą, laleczko, cicho już wiedźmą, laleczko. mucho, sino que rabes el mal rico. Ya que es domenica, lo siento, entiende. Donde aprendí, mire a mi ser. Uniformización de la población, tu corrección quieta, pues te pillo. Rébellion des petits violents. Vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter les Marmottes Aplaties, leur chanson Breakdance de l'album Décadent. Du banlieue rouge avançant avec leur morceau Otage de l'État de leur premier album En attendant demain. Du Marabout avec Ennemi numéro 1 de leur démo PBDAL sorti en 2011. En tout cas, je me rappelle plus quelle année, mais ça fait 3 ou 4 ans que c'est sorti un démo très bien réussi. Le groupe continue à produire de l'excellente musique. Du Défaillance avancé avec Bureaucrate de l'album Mort-Vivant, Gerbia avec Pense pas. Et on a commencé le bloc avec deux chansons du groupe polonais El Banda. Alors c'est ça, notre ensemble tire à sa fin. Par contre, que je vous fais jouer un dernier morceau par Eoka de l'album État des lieux, c'est le morceau Dans l'ombre. Eoka qui se sont séparés. Malheureusement, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont annoncé la fin du groupe ou la deuxième fin du groupe. Mais j'ai trouvé les nouvelles sur leur site web. Récemment, quand je visitais leur site web pour voir des nouvelles du groupe et ils ont annoncé que se sont séparés. Alors, merci à Eoka de s'avoir reformé à temps pour assez longtemps pour produire le nouvel album, l'album État des lieux, dont je vais vous présenter un extrait, le morceau Dans l'ombre, dans un instant. Mais avant de faire ça, je vous rappelle, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission de Sous Pression en direct. Par contre, je vais essayer de vous préparer un podcast ou quelque chose que je vais mettre sur le site web. Comme ça, vous pouvez avoir votre dose de Sous Pression pour la semaine. Alors, c'est ça. Visitez souspression.wordpress.com pour plus d'infos. Et entre-temps, voici du Eoka. Bonne semaine. menace n'est pas notre ennemi. Parce que le système fabrique des hordes de futurs insoumis. Et même le citoyen modèle qui avait l'idéologie se rend bien compte que le seuil insupportable est franchi. Nous ne sommes pas sous l'avant-garde, nous ne voulons pas gouverner. Seulement mettre nos idées en acte pour que d'autres puissent s'en inspirer. Comme l'eau qui rentre dans la roche et qui finit par l'exploser.